La vengeance c'est un plat qui se mange froid. Mort sale, ses rêves c'est la violence du matin jusqu'au soir. Nique les poucaves, les balances, les Hansa qui parlent toujours derrière moi. Je représente toutes les banlieues, la chérie derrière mon vieux. Tu peux tester, on va t'arracher tous tes cheveux. On va tirer dessus à la chevrotine, tu en croiras pas tes yeux. C'est toujours la même dans la cité. On pique grave, on est toujours armé. On sort la pécane de crosse pour se la kiffer. Après minuit, sans tri, on devient une tasse fée. On cherche des bonnes meufs pour les tartiner. Les michetonneuses sont tous cramés. À croire qu'ils se déshabillent tous pour des billets. Fuck les taspés, big raveur de CC. C'est Morsaille SRF. On big rave du shit dans la discothèque. Tu joues la pH, viens barrer bleu. Si ta bouche se retrouve posée sur ma queue, c'est un son sale qui va faire mal. Qui vient tout droit du sous-sol. Les tocs sont sniff de la colle. En course poursuite, jamais je cale. Demande à Kamal que nos douleurs se soignent pas avec du camol. Sors une camel, que je la coupe pour faire un gros cône. Elle a trois têtes, putain t'es bonne. Elle a chéta, je m'en bats les couilles. Moi je me stupide, toucher le sommet. Et pipi, c'est ce que t'en donnes. Mon mot mortel, le sang du terre-terre. Volume 2, bébé baisse tous les feux. C'est ma relation, son du terre-terre. Morsaille, c'est du violent garanti. Équipe prend la galère à cli-cli. C'est l'alliance de 112 meuk-tout. À coups de zippu, nous on nique les condés. Toujours présente, on descend de guerrier. Tous les fachos, c'est transpouilleux. Avec son président crasseux. Violence conjugale, après tu parles de loi. T'as pas vu aux infos, parle que toi. Surveille tes arrières. Dans terre-terre, on tire et on sniquera ta mère. Rachida, c'est comme une chienne à son maître. Sarko, michetonné par une michetonneuse, c'est ouais, traite. Le père en maison de retraite. Et Marie, qui suspire un peu de voix, un chèque. Voici de la qualité, comme j'ai tant de brutalité. 93 localités, Kili, j'arrive quand la nuit tombe. Terroriste qui pose des bombes, avec un flot, fusil à pompe. Truand de la galère, c'est la famine. Malheureusement dans mon ghetto, gros c'est la famine. 93 R, c'est la misère. Chine à la scène, toujours du bon camas bien viscère. Essaye donc de suivre la cadence d'une balance qui raconte tout sous la menace de la violence. Titre à lyrical. K-L-Y pour AKMI, c'est la manufacture afghane. Morsaille, le son du terre-terre, volume de mon pote. Écoute ça, tu rends de la galère. Ah, ah. Homicide dans la cabine. Rap pour les vrais, pas pour les victimes. Accroche-toi, ça va trop vite. 92 trop street. Écoute slash dans le vide, dans votre oseille. Hey, faut pas tourner dans le vide. Y'en a le clan enragé. V'là le rap engagé. De les fashion à quatre pattes, c'est pour les mecs fâchés. J'vais accroquer ma part. Appelle-moi le rouquin. Les polos, j'les vaillera. Dans les trains, comme les romains. Le rap français, c'est pour mon œuf de mon ghetto. A tous les chicas, à ceux devant les gueux. Crache pas des blagues, mais des mots là. Dans le pleurage, me balade, serait vegan comme moi là. Oh my, y'en a clan, on avance avec au son toi. Dédicace à Beukra, rap français, va se manger des queues là. Va se manger des queues là, yeah. Hanté, hanté. Sur les petits, j'serai jamais un clochard. J'préfère braquer, braquer et na hess au j'tard. J'pars au bon char, car j'ai rien dans ma poche droite. J'bloque tout à gauche, j'ai de la qualité qui met des droites. Match trop mat, c'est illégal, pas gros. Toujours ghetto, anti-comico. Ces fils de pute me flash, me prennent en photo. Poto avec un flash, fais que du sale boulot. J'veux que du cap, j'nique le stopo. Gros pot, avec la plaque 93. La France, on la baisse chez nous, c'est la braise. 93 qualité, illégal. Je me sens pas libre, allez, nique ta putain de réalité. De citer les places, faut pas citer. Sinon ton cul va sauter, j'ai envie de tout péter. Assister de l'équipe, truante la galère. Y'a pas une minute que je m'amuse, tous les jours je galère. Un douze mesure pour défourailler le beat. MC t'es trop mauvais, t'as trop sucé de beat. Tu peux tester mes alcooliques, tu vas finir en batterie. Rap de professionnel, dis-moi pourquoi tu flippes. Wesh, qu'est-ce qui se passe, c'est nous les purs talents. Si t'as pas fait des MC, le rap on sera dedans. On fait pas de sentiments, ça insulte les mères à tout va. Tu veux nous mettre la roca, va nous retenir la hafa. On est 8 sur le morceau, le déchet d'un photo. J'ai la dalle au micro, moi je bouffe pas de pito. Rappeur trop dangereux, rappeur trop nerveux. Tu veux me clasher, petit con, bah vas-y fais la queue. T'écoutes ton rap de rapace, moi j'ai trop la classe. J'ferme le gauche, te fume au but, j'y chasse. Da, da, 9K400 pris pour cible. La vie ne rend insensible, impassible quand s'incline. Très habile, un peu poursuivre votre trafic. Faut pas de pute, faut de la ruse, plus de trip. Faut que tu filmes, marche pas que tu glisses. Ne persiste pour t'exister de la police. Tu t'en cliches, tu t'enrichis, c'est plus. Tu te rends écrit, c'est la traîtrise. Tu t'insères, c'est la perquise. Tu te retrouves en zile grise. Veux qu'il est en silence, tu brises. On parle de remise de peine pour que t'affiches la peine et de la haine. Aux gens que t'aimes, le code de la cité dit que le silence n'a pas de prix. Personne ne peut racheter photo, pas de gicle devant le PJ. Chez nous, y'a pas de racheté. Et bien depuis la PJ, j'y topé par la fierté. Cousin, faut pas parler sur un frère qui réussit. Nos vies sont au sursis, rattachés à la famille de la Tessie, à la sombrie. On peine pour la survie. Nos peines sont alourdies, nos mères sont à pleurer. La générosité est friande de la galère. Il est toujours pas l'heure pour les braqueurs sans peur. Pour ceux qui pleurent par peur qu'on finisse braqueur ou dealer. Mais dites-leur que notre seule but c'est d'avancer comme les picoles. On fait avancer jusqu'à Poitiers.